Les explications, lectures et débats sur le message de Nouvel An du dirigeant suprême Kim Jong-un se sont déroulés au gouvernement de l'État de Naizo, au cercle d'études de la philosophie du Jutsu, accompagné par Action Deola Segwe, Société Olunashi et à la Compagnie Générale d'Ozi à Lagos, Nigeria, à l'Association de la Jeunesse d'Addis Abeba et à l'Hôpital de Stomatologie d'Emerut, Éthiopie. Les orateurs ont dit que dans son message de Nouvel An, Son Excellence M. Kim Jong-un a éclairci la voie à suivre par le peuple coréen et que grâce à lui, doué de la volonté d'acier, la Corée deviendra dans un court laps de temps une puissance économique et la réunification du pays aussi sera réalisée à coup sûr. Par ailleurs, en signe de soutien au message de Nouvel An du dirigeant suprême coréen, le président du comité exécutif national ougandais du mouvement panafricain et Haindihi Gurubo, membre de la direction du comité du 21e arrondissement de la ville de Vienne du Parti communiste autrichien, ont publié chacun une communication.